L'art d'être joli, publication hebdomadaire illustrée sous la direction de Madame Liane de Pougy, 1904-11-12. L'art de plaire, le charme de la jeune fille, heureux âge, l'âge exquis comme les fleurs, la véritable beauté, point de rides au cœur et au front, tout simplement. Toute la poésie de la femme se résume dans ce mot. 20 ans. C'est l'âge où, sans être épanouie encore, dans notre pays, sa beauté se précise, où ses lignes délicates sont infiniment charmantes par leur douceur et leur harmonie. La femme est vraiment fleur, une fleur nouvellement éclose, avec toute la force déjà de son parfum. Aucun souffle impur ne l'a encore froissée ni ternie. Son teint a son entière fraîcheur et ignore les artifices. Ses yeux ont une incomparable douceur, faite de pureté, ce qui est bien le plus bel attrait d'une femme. Ses cheveux sont dans toute leur vigueur, casque soyeux, dont elle est fière, et qu'aucun souci encore, aucune fatigue physique, n'a commencé à clairsemer. Ses attaches sont frêles peut-être, mais bien fines. Et s'il est rare que sa poitrine soit sculpturalement modelée, elle a cette grâce exquise d'être naissante. La taille est svelte, les gestes aisés, malgré leur réserve naturelle, tout est franc chez elle, tout est jeune. Être jeune, c'est le meilleur charme. La vraie beauté. Hier encore, elle était fillette, au pensionnat, au couvent. La coquetterie lui était défendue, la robe était simple, les cheveux sans savante coiffure, le cou engoncé. Demain, elle sera femme, et tout lui sera permis pour plaire. Elle pourra se coiffer suivant sa beauté, dégager sa nuque gracieuse, montrer ses épaules. Entre ces 2 heures de sa vie, déjà femme un peu fillette encore aussi, gardant le charme de l'une dans 1000 détails, une fossette, un coin de lèvres rieur, et commençant cependant à posséder le charme de l'autre, elle est simple, gaie, pleine d'entrain, son neurasthénie, joie de la maison. Son cœur n'a pas connu encore les déceptions, les amertumes de l'existence. Certes, parfois, elle a ses secrets, comme toute jeune fille. Elle a pleuré même, elle a rêvé. Mais la plupart du temps, son cœur est serein. Elle ne connaît de l'amour qu'une chose, l'espérance. Une espérance mystérieuse et très douce. Et c'est cette sérénité qui fait la délicieuse beauté de la jeune fille, la vraie beauté, celle qu'aucun artifice, qu'aucune poudre de riz, qu'aucun cosmétique n'arrive à donner ou à rendre à la femme. C'est une beauté sans mélange, sans ride aucune, ni pour le cœur, ni pour le front. Ce front, dit le grand calme intérieur, et s'il y a dans le cœur quelque espoir, quelque désir, les yeux l'expriment par une flamme, par un éclat qui ajoute encore au charme. Profitez de cet âge heureux, où vous êtes plus jolie qu'à tous les autres, et prolongez-le en quelque sorte le plus que vous pourrez. N'ayez d'autre coquetterie que de rester vous-même, tout simplement. La beauté du visage, l'hygiène des yeux. Gare à la lumière, l'éveil et la lecture. Le verre ami des yeux. Le danger des larmes. Petite toilette oculaire. Tisane pour yeux. Conseil pratique. Si l'expression des yeux leur donne leur plus grande beauté, ils ont besoin de soins attentifs pour conserver ce charme. Si les yeux sont les plus admirables des joyaux, ils sont aussi les plus fragiles. Évitez la brusque et éblouissante lumière. La lumière trop vive rougit et fatigue les yeux. Évitez donc de fixer le soleil, un foyer de lumière électrique, la lune même. La réverbération trop crue du soleil sur le sable ou sur un mur blanc éblouit douloureusement. Munissez vos lampes de larges abat-jour, vos bougies, d'écrans. Ne vous amusez pas à suivre trop longuement les jeux de flammes dans le foyer. Évitez surtout les transitions brusques de lumière. Les yeux ne doivent pas, au réveil, être exposés à une clarté violente et soudaine. Pour cela, n'ayez pas de chambre à coucher trop sombre, trop close. Laissez le jour filtrer doucement. Certaines couleurs sont particulièrement douces aux yeux. Ce sont le vert et le bleu. Les rayons qui forment la couleur verte ont en effet, par leur mouvement modéré, le privilège de pouvoir toujours mettre en mouvement les fibres de l'œil sans jamais les affaiblir. Ne vous entourez pas de couleurs trop vives, le rouge aveugle. Préférez les tons doux, fondus. Ne fatiguez pas vos yeux. Si bons que soient vos yeux, ne les surmenez pas. Ils ont vite fait de rougir, de s'injecter de sang ou de se cerner. Pas d'occupation trop suivie, surtout s'ils ont à fixer de petits objets. N'écrivez pas, ne lisez pas, ne cousez pas lorsque la lumière est insuffisante. Montaigne conseillait d'appliquer un verre incolore ou légèrement teinté de vert sur la page qu'on lit. Ne lisez pas non plus au lit. La position horizontale force le nerf optique à une déviation fatigante. Pendant tout travail, fermez de temps en temps les yeux. Le travail trop assidu, la lecture immodérée, la fréquentation des spectacles, où l'œil est attaqué par la lumière étincelante du gaz, les longues veilles surtout, sont funestes aux yeux. La fumée et l'air trop vif les irritent. L'automobilisme, en particulier, demande pour eux des soins préventifs. Soignez votre estomac, il a son contre-coup direct sur les yeux. N'habitez pas non plus des lieux trop humides, ce qui affaiblit la vue. Mais si la fatigue a de tels dangers, la mollesse en a d'autres. Le trop long sommeil laisse les organes dans l'inaction et relâche tellement les ressorts qu'au réveil, les yeux sont rouges et affaiblis. L'excessive chaleur du lit occasionne une pesanteur de la tête qui charge l'œil et finit par y laisser un gonflement. Ne les frottez jamais, c'est un défaut, une manie plutôt, auquel peu de personnes échappent. Ne vous frottez pas les yeux au réveil. Ne les frottez pas quand vous avez mal à la tête ou quand, à la suite de quelques fatigues, ils vous picotent. Il s'ensuit en effet une irritation tout à fait contraire à la beauté car elle fatigue la vue et détermine la chute des cils. Le danger des larmes. Gare aux larmes, à celles surtout que cause le chagrin ou la colère. Elles n'embellissent pas les yeux qu'elles brûlent, éteignant leur ardeur, voilant leur éclat, renfermant des principes salins dont l'influence est déplorable. La vue se ressent de ces épanchements trop souvent répétés. Elles rougissent et congestionnent les paupières. Certes, vous n'en êtes pas maîtresse, il y a des larmes intarissables et qui font du bien souvent. Werther a chanté « Les larmes qu'on ne pleure pas, dans notre cœur retombent toutes ». Faire effort pour les retenir est peut-être même plus mauvais encore pour les yeux, qui se congestionnent et s'injectent. Seules les larmes de bonheur, larmes paisibles, rosées heureuses qui perlent à la pointe des cils, sont belles pour les yeux. La toilette des yeux. Avant de vous coucher, lavez-les pour les débarrasser de toutes les poussières. L'eau pure, froide ou très légèrement tiède est encore ce qu'il y a de mieux. Au réveil, lavez vos yeux pour chasser ces petites matières cireuses que sécrètent pendant la nuit les glandes ciliaires. Ayez de petites œillères commodes pour ces bains locaux. Roulez un brin de ouate hydrophile autour d'un cure-dent ou d'une allumette et pointez, trempez dans un peu d'eau boriquée et passez doucement sur le rebord des paupières. Les yeux irrités. Les vieux remèdes simples sont les meilleurs et les fleurs sont là pour soigner les yeux. Ainsi le thé en infusion faible, le thé noir, est bon pour baigner les yeux douloureux. Si vos paupières sont enflammées, notamment à la suite d'une insomnie, lavez-les avec de l'eau de rose ou une décoction de racines de guimauve ou de l'eau de plantain ou vous ajoutez une cuillerée de très bonne eau-de-vie. Le jus de la fraise bien passé à travers un linge est aussi très bienfaisant. L'eau de source est bonne contre les picotements. L'eau de cerfeuil ou de laitue rafraîchit les yeux irrités. L'eau de bleuet est particulièrement fortifiante, ainsi que l'eau de camomille très chaude. Le suif, appliqué en onction sur les yeux, combat la pâte d'oie. Si les yeux sont très irrités, remplacez les lotions d'eau légèrement tiédie par des lotions d'eau très chaude. Si c'est le vent qui vous a rougi les paupières, lavez-les avec de l'eau tiède, un peu salée, ou sel de cuisine. Tous ces remèdes sont à votre portée. Nous parlerons une autre fois des bobos des yeux. Recette pratique. Pour décerner les yeux, ancien remède, eau distillée ou mieux neige pure, 500 g. Sommité de romarin, 30 g. Laissez macérer 8 jours, puis ajoutez 15 g d'eau de rose et 15 de bonne eau de vie. Cette eau balsamique a la propriété de ranimer les yeux battus par les longues veilles d'atténuer la cerne et d'effacer les rougeurs que laissent les fatigues de la danse. Contre la rougeur accentuée du bord des paupières, étendez chaque soir la pommade suivante. Axonge, 4 g, précipité blanc, 0,50 g, et baume de tolu, 0,15 g. Pour fortifier les yeux fatigués, lotionnez avec sulfate de zinc, 0,20 g, et hydrolat de bleuet, 100 g, ou eau de rose, 50 g, et alcool vulnéraire, 2 g. Contre la rougeur des yeux, mêlez 200 g d'eau de rose, 200 g d'infusion de myrte, 100 g d'eau de bleuet, 100 g d'eau de plantain et 35 g de miel. Laissez reposer et filtrer. La beauté du corps, la question du corset. Ce vêtement détestable qui meurtrit les femmes et maltraite leur progéniture n'annonce que des goûts frivoles. C'est une coquetterie de mauvais goût. Napoléon. Il contient les forts, soutient les faibles, ramène les égarés. Enseigne d'un corsetier au XVIIIe siècle. Une vieille querelle, l'origine du corset, pour avoir trop bavardé, les bricoles infâmes, les adversaires du corset, ce qu'on peut dire pour sa défense, le choix du corset, la gamme des corset, telle femme. La polémique au sujet du corset n'a jamais été si vive qu'aujourd'hui où cet accessoire de la coquetterie étant devenu la plus étroite des gaines, la faculté part en guerre contre lui, tandis que la femme y trouve un surcroît de distinction et d'élégance. D'où vient-il ? Le corset n'est pas d'hier. Les femmes grecques et romaines s'entouraient le corps de longues bandes soutenant les seins, en linge très fin ou, quand elles étaient riches, en résille d'or. Cette coutume dura toute l'Antiquité. En France, sous Charlemagne, les corsages devinrent de véritables fourreaux cousus sur le corps et si serrés qu'ils remplissaient le rôle actuel de nos corsets. Mais c'est au XIIIe siècle qu'apparurent véritablement les cottes ou robes de dessous serrées par une ceinture allongeant la taille et fort étouffante. Une légende rapporte qu'à cette époque, un boucher appliqua le corset pour la première fois à sa femme comme instrument de torture en punition de sa loquacité. D'autres maris, dit-on, firent de même. Mais les femmes ne voulurent pas céder et petit à petit, en s'y habituant, par esprit de contradiction, firent du corset un accessoire de toilette qu'elles enjolivèrent à qui mieux mieux. Au XIVe siècle, les corsets prirent plus d'ampleur, toujours ajustés à la taille et munis de manches. On en fabriquait pour cérémonie de merveilleux, de draps d'or et de fourrure. Au XVIe siècle, dans les barguines, sorte de corsage en forme d'entonnoir garni de fils de laiton, on plaça pour la première fois des busques au-dessous de la poitrine et au beau milieu pour la tenir plus droite. Une ordonnance de 1541 tenta de les supprimer. Les prédicateurs tonnèrent contre ces bricoles infâmes et l'aumônier de la reine assura que celle qui le revêtait portait le diable en croupe. Mais Catherine de Médicis importa d'Italie les corps ou corsets à busques et baleines juxtaposés. Ils devinrent de véritables cuirasses métalliques qui faisaient abominablement souffrir. Sous Henri IV, le corset devint grotesque par la façon exagérée dont on le busquait par le bas. Le corps revint à la mode sous Louis XIV, où les jeunes filles qui le portèrent mettaient même un collier de fer recouvert de velours noir pour redresser leur tête. Madame de Maintenon favorisa les corps en faisant donner toutes sortes de privilèges à leurs fabricants. Ils étaient pourtant terriblement rigides, et c'est à eux qu'il faut attribuer les vapeurs si fréquentes à cette époque. Sous Louis XV, pour la première fois, les corsets se lassèrent. Jean-Jacques Rousseau et Buffon firent campagne contre eux. On diminua la longueur du busque et le nombre des baleines. Avec la Révolution, le corps fut réduit à quelques minces baleines et prit le nom officiel de corset. Il disparut sous l'Empire, mais en 1814, il reprit ses droits et fit fureur. Toutes les femmes voulurent en avoir. En 1830, il devint lourd et volumineux. On le laçait alors peu derrière à la paresseuse. En 1842, il diminua de hauteur. Sous le Second Empire, les corsets s'échancrèrent du haut et se raccourcirent du bas, dégageant les seins et faisant valoir la taille. On essaya en vain d'importer la mode allemande qui remontait la gorge à la façon de pigeons gavés. Le corset a, ces dernières années, subi de nombreuses transformations, adoucissant ses ressorts, mais imprimant au corps des courbes hardies. Avec lui, il n'y a plus de ventre, la poitrine seule est en valeur. Les ennemis du corset. Il en a beaucoup. Regardez, disent-ils, les statues antiques, ces chefs-d'œuvre qui représentent le corps humain dans sa beauté vraie. Ont-elles une ceinture étroite comme celle de la femme moderne? Non, leur structure n'a été réduite par aucune gêne, aucune contrainte. Madame Tallien dédaigna toute sa vie d'enserrer sa jolie taille dans une prison de baleines et de satins et fut considérée pourtant comme la femme la plus séduisante de son époque. La faculté est hostile au corset. Ne cause-t-il pas la saillie du thorax en avant, le rapprochement permanent des côtes inférieures? Il trouble l'appareil respiratoire en comprimant le poumon, l'appareil digestif en comprimant l'estomac, qu'il rend vertical, et en déplaçant le foie, l'appareil urinaire en comprimant le ventre. Il gêne la circulation, donnant par suite au visage de la coupe rose ou de la congestion. Il aplatit et froisse les seins. Le squelette féminin, considérablement allongé, ne laissera-t-il pas songeur, dans des milliers d'années, ceux qui fouilleront nos tombeaux? Ses défenseurs. Le corset, disent-ils, est le soutien de la femme. Il constitue en quelque sorte le dossier contre lequel toute la partie supérieure de son corps repose. Il est le point d'appui de la gorge, dont les fibres sans lui se distendraient. Il protège les organes délicats de la femme contre la pression des vêtements. C'est l'accessoire indispensable pour soutenir les jupes et les vêtements inférieurs dont le poids atteint 7 à 8 kg. Comment maintenir cette masse sans le corset? Il est la nécessité imposée par le costume moderne. Indispensable aux femmes très fortes, il contient l'excès d'opulence de leur corsage. Sans lui, pas de correction possible dans la toilette d'une grosse femme. N'est-il pas indispensable aussi à la femme très maigre? Sans son secours, elle ne peut non plus avoir bonne tenue et semble déhanchée. On n'a qu'à donner au corset assez d'élasticité et de flexibilité pour assurer le bien-être de celle qui le porte et laisser toute liberté, c'est-à-dire toute grâce, à ses mouvements. La taille ondule, se balance comme un roseau, s'incline sous le vent et ne nous inflige pas par sa raideur. Il a gardé du XVIIIe siècle cette grâce qui fait des tailles féminines comme de véritables tiges de fleurs. Court ou long, le corset ne devrait être baleiné que dans le dos et sur le devant. Le coutil est bien rigide, le satin est préférable. Le rêve serait la peau de daim. Il y a des corsets charmants de tulle grecque pour l'été et des corsets caoutchoutés s'élargissant à volonté. En principe, le corset court est préférable au long. Montant trop haut sous les bras, il fait des épaules hautes, ce qui est laid. Descendant trop bas, il allonge le buste disgracieusement, diminue les jambes, détruit l'harmonie des proportions. Le corset court de hanche, au contraire, laisse toute souplesse à la démarche. La mode moderne, pourtant, impose ses longues gaines qui font ressembler à un automate. Les petits corsets ne sont plus de mode. Ils sont trouvés laids, rococo, en contravention avec l'esthétique féminine actuelle. Au buste délicat d'aujourd'hui, il faut une cuirasse, une armure. Les courbes les plus exquises, les rondeurs les plus menues, veulent être chastement emprisonnées. Les tailles effilées veulent s'effiler davantage encore. Les hanches timidement se dissimulent. Une ligne serpentine, onduleuse, une fine et longue silhouette, voilà l'idéal moderne. La gamme des corsets. Vers 10 ans, c'est la simple brassière de coutil, ébauche d'un corset sans baleine, avec ganse s'élargissant à volonté. À 16 ans, la brassière se renforce de quelques baleines sans ganse. À 18, le corset proprement dit apparaît en batiste légère et en baleine souple. Le corset nuptial est de satin blanc avec baleine. Puis la femme qui a les moyens d'avoir une garde-robe complète possède toute une série de corsets. Celui de bal est en satin de couleur assorti à la toilette, mais très étroit. Il doit faire gagner 5 cm de tour de taille par un lassage progressif. Le corset du matin, brassière en batiste peu baleinée, le corset usuel en satin noir ou bleu pâle ou rose ou mauve, le corset de repos, sorte de ceinture directoire, le corset de nuit en peau de suède sans baleine se bouclant sur le côté, le corset de grossesse élastique sans baleine avec des attaches en caoutchouc, celui de nourrice à pont-levis, celui de voyage très lâche avec des pattes permettant de l'élargir la nuit si l'on veut dormir, celui de cheval en coutil écru avec large élastique sur la hanche, très long et très fort, celui de bicyclette, une ceinture en tissu élastique sans buste ni baleine, lacée devant, derrière et sur les côtés pour soutenir la taille et laisser au mouvement toute leur liberté. L'art de se corseter. Soignez vos corsets, qu'ils soient toujours de la plus grande fraîcheur. Abritez-les sous le cache-corset pour éviter qu'ils se fanent vite. Le corset ne doit pas être choisi au hasard. Son armature mal placée peut froisser les chairs, produire des plaies. Adressez-vous à une corsetière sérieuse. Essayez-le bien et voyez si toutes les parties du buste emprisonnées sont à leur place, sans souffrance ni gêne. En mettant le corset le matin, lorsque vous vous levez, ne le serrez pas trop. Laissez le corps se caser, se mettre à l'aise et serrez progressivement le lacet. Vous arriverez ainsi, en ayant soin de vous corseter tous les jours régulièrement, à gagner quelques centimètres et à retarder la marche de l'embonpoint. Moins une femme est serrée, plus elle paraît mince, plus elle est gracieuse et simple. Le port intermittent du corset est une absurdité. Il n'y a que la grossesse qui doit supprimer le corset 6 mois avant, 1 mois après. Sous les robes empire seulement, on tolère les ceintures délicatement taillées dans les soieries anciennes, brassières minuscules et élégantes qui ne laissent pas les seins livrés à leur propre poids. La psychologie du corset. Chez la fillette, c'est une petite ceinture de coutil et de satin blanc qui sert à attacher le pantalon, les jupons, les bas, qui fileraient faute de hanches. Il est hérissé de boutons, de fronces, d'agrafes, d'élastiques. Il sert de 3e poche, cache les lettres du petit cousin et les mauvaises notes, la clé du pupitre et le sachet parfumé chipé à la grande sœur. Chez la jeune fille, il est de coutil blanc. C'est lui d'ailleurs qui renferme les plus jolies choses. Il est ordinairement simple, éventaillé en soie et garni d'une petite dentelle se lassant derrière avec beaucoup d'œillets. Le corset décent est en satin blanc, avec quantité de busc, long, haut, une véritable harmonie, sans parfum, sans jartel. Le corset de combat, au contraire, est doux, souple, pas trop serré, garni de dentelle et violemment parfumé. D'autres corsets se dégravent d'un seul coup, destinés à revenir le matin, pliés dans quelque journal. Le corset distingué est souple, chatoyant, agrafé d'argent, festonné de Valenciennes avec une pointe de parfum. Le corset de la femme de sport est en peau de daim gris pâle, souple, bordé de satin bleu, garni de dentelles anciennes permettant l'aisance des mouvements. C'est en satin noir brodé ou rouge ou bleu, de teinte criarde, éventaillé d'or et d'argent, solide, élégant et très laid, qu'est le corset de la femme commune. Les austères y mettent de la lavande, les autres de l'opoponax. Beaucoup n'y mettent rien du tout. Tel corset, peut-on dire, telle femme. Les accessoires de la beauté. Le gant, étui de la main. Douce prison, comment le choisir? L'art de mettre et d'ôter ses gants, soin nécessaire, ce que dit le gant. Pourquoi donc cette prison, une prison étroite où les doigts sont mal à l'aise, où le poignet s'en serre, où la circulation s'entrave? N'est-ce pas une hérésie de cacher le doux satin de la peau par ce cuir prosaïque venu d'une chèvre ou d'un chien? La poignée de main y perd de sa poésie, le baise-main fait faillite. Au diable donc les gants fâcheux, inutiles carcans des menottes exquises. Ainsi parlent les ennemis du gant. Le gant est charmant, ripostent ses défenseurs. Il est charmant comme tout ce qui voile une chose délicate. Ce n'est pas d'une prison que le satin de la peau a besoin, mais d'un écrin. La main enfermée s'en dégage d'un geste joli, comme le geste d'une robe qui tombe, montrant des rondeurs gracieuses. Le gant est utile pour protéger cette main délicate contre les rigueurs du soleil ou du froid, contre le contact de mille objets salissants. Cachée dans le gant, elle garde sa pureté, son parfum, sa douceur. Le gant est de nos jours le complément obligé d'une toilette élégante. Son importance à notre époque est devenue si grande qu'il a forcé la manche à se raccourcir pour lui donner plus de place. Le gant est aujourd'hui plus long qu'il ne fut jamais. En soirée, il grimpe souvent jusqu'en haut du bras dont il voit les moelleux contours. Pour remédier même à cet inconvénient, la mode a remplacé parfois le gant par la mitaine de dentelle. Pour le jour, le gant rejoint, en plissant le long de l'avant-bras, la manche arrêtée au coude. Un choix judicieux. Il faut savoir choisir ses gants. Un conseil tout d'abord, évitez les gants à trop bon marché. Ce n'est pas une économie, car ils ne font pas d'usage. Quand vous achetez des gants, examinez bien les coutures. Si le fil tiré a formé des places blanches, n'acceptez pas ces gants, dont le chevreau se déchirerait aisément et qui vous irait mal. Que votre main y soit à l'aise, sans quoi elle y perdra de sa grâce en paraissant courte et ramassée. Que les doigts du gant soient aussi longs que ceux de la main. Les gants trop justes ne durent pas. Ne prenez pas non plus de gants trop larges, où les doigts se noient. Ils font mille plis disgracieux. Il faut prendre vos gants de forme assez parfaite pour épouser la main sans la comprimer, ce qui gênerait la circulation du sang. Si vous ne trouvez pas de gants tout faits à votre pointure exacte, il serait préférable de les faire faire sur mesure. Votre main conservera ainsi son cachet personnel. Appropriez-en le tissu à la destination que vous leur donnez. Les gants de soie et de laine sont sensiblement plus chauds que les gants de peau. Pour les jours d'hiver trop rigoureux, portez des gants fourrés ou des gants de laine par-dessus les gants de suède ou de chevreau. Les gants sont indispensables à celles qui, par nécessité ou par goût, participent aux soins du ménage. L'art de mettre ses gants. Ayez d'abord les mains parfaitement nettes, sèches et fraîches. Ne mettez jamais des gants quand elles sont humides ou moites. Enfoncez d'abord les quatre doigts en laissant le pouce en dehors et le poignet du gant retourné sur la main. Quand les doigts sont entrés entièrement, grâce à des mouvements doux de l'autre main, introduisez le pouce avec le plus grand soin, en appuyant le coude sur le genou. Ensuite, rabattez le poignet du gant et boutonnez le second bouton, continuant ainsi jusqu'au bout. Revenez alors au premier bouton qui se boutonnera facilement sans faire craquer le chevreau, ce qui arrive fréquemment lorsqu'on commence par le premier bouton. En outre, la boutonnière ne s'élargira pas, ce qui est d'une grande importance si l'on veut rester bien ganté. L'art de les ôter. Ne les retirez jamais par l'extrémité des doigts, mais par le poignet. Ils se trouvent alors à l'envers, ce qui est excellent pour leur laisser évaporer l'humidité que la main a pu leur communiquer. Lorsqu'ils sont secs, retournez-les à l'endroit. Si vous n'avez pas pris cette précaution de les laisser sécher, ils se rétréciront et craqueront au moindre effort. Les soins à donner aux gants. C'est un grand tort, une fois qu'on vient de les ôter, de les abandonner là où, d'un geste quelquefois très prompt, on les a nerveusement jetés tout froissés. Les gants ne doivent pas non plus être roulés l'un dans l'autre, ce qui les abîme. Il faut les étendre de toute leur longueur dans la boîte ou le sachet parfumé. Couchez les gants clairs entre deux morceaux de flanelle blanche ou dans du papier de soie pour les préserver du contact des gants sombres qui pourraient déteindre sur eux. C'est une mauvaise habitude trop fréquente de placer dans le creux du gant de menus objets. Billets de chemin de fer, correspondances d'omnibus, argent même. Le petit carton s'y trouve en sûreté et facile à prendre, mais c'est souvent au détriment du gant qu'il abîme. Les gants clairs se nettoient avec de la farine, s'ils ne sont que légèrement salis. S'ils sont plus fortement souillés, employez la nophaline ou la benzine. On répare bien les gants de chevreau noir en mélangeant quelques gouttes de bonne encre noire dans une cuillerée à thé d'huile d'olive, appliquée à l'aide d'une plume, et faites sécher au soleil. Ayez toujours des gants immaculés et sans la moindre tare. Ne comptez jamais qu'ils vous feront un long usage et remplacez-les fréquemment. La reine d'Espagne, qui se pique, et à bon droit, d'avoir une des plus jolies mains du monde, ne met jamais ses gants qu'une fois, et elle en change toutes les fois qu'elle est obligée de les retirer. La psychologie du gant. Si le gant est ainsi un accessoire de toilette et d'élégance dont une femme ne peut se passer, il a dans sa vie gracieuse un autre rôle. C'est le prétexte de gestes charmants. Il est joli à mettre et à retirer, le long gant surtout, si en usage aujourd'hui. Le caractère féminin se reflète souvent dans ce geste, tantôt brusque et nerveux, tantôt lent et doux. Il y a des gants distingués, des gants boudeurs, des gants irritables, des gants gênés et des gants sots. Le gant a sa part dans la vie d'une femme. À portée de sa main avant tout autre objet, il est son passe-nerf, souvent. Parfois même, il est son moyen de défense. Parfois encore, oublié ou tombé à propos, il devient messager discret ou souvenir. Ici se termine L'art d'être joli, publication hebdomadaire illustrée sous la direction de Madame Liane de Pougy, 1904, 11, 12.